Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur Radio Gémozo 107FM. Nous sommes le mercredi 11 août 2021, il est un peu plus de 14h, il est 14h01 même, c'est Chris, vous êtes dans Fréquence Libre et pour cette nouvelle édition, je reçois dans nos locaux à Saint-Étienne, les Rues Miremont, Martine Huin, photographe, qui est là pour nous parler de tout ce qu'elle fait. Donc bonjour Martine. Bonjour. Comment ça va ? Ça va très bien. Parfait. Donc nos auditeurs et nos auditrices se sont habitués. Avant d'entrer dans le vif du sujet, pouvez-vous vous présenter en quelques mots ? Alors moi j'ai enseigné les arts, la musique et il y a une dizaine d'années je ne pouvais plus exposer mes peintures parce que je suis peintre et je ne pouvais plus exposer, j'avais plus le temps et je me suis tournée vers la photo et c'est comme ça que l'aventure a commencé. D'accord. Et donc, comme annoncé en introduction et comme vous venez de le dire, du coup, maintenant, vous êtes photographe. Exactement. Donc, pour en être là où vous en êtes aujourd'hui, photographe et même peintre, est-ce que vous avez fait des études dans ces domaines-là ou pas du tout ? Alors, dans la photo, pas du tout. Pas D'accord. du tout, mais j'ai fait, au départ, c'était vraiment pas mon domaine. Donc, je me suis tournée vers des spécialistes, j'ai fait de nombreux stages et j'ai surtout énormément travaillé pour arriver à ce que je voulais. D'accord. Et donc, est-ce que vous diriez que vous êtes passionné par la peinture et par la photographie depuis toujours ? Oui, toujours. Je viens d'une famille où il y avait des artistes et j'ai toujours vécu dans ce milieu artistique, onirique. Et je pensais d'ailleurs en faire plus ou moins mon métier. Je ne savais pas dans quel domaine, mais en effet, en faire mon métier. Et puis après, ben voilà, j'ai enseigné et ben, j'ai découvert une autre passion qui est la photo. D'accord. Et donc, comment vous êtes venu, comme vous le dites, vous venez d'une famille d'artistes, mais est-ce que c'est grâce à ça que vous est venue cette passion pour la photo et pour la peinture ? Alors, pour la photo, non. La peinture, oui. Le dessin, la peinture, puisque j'avais des tantes et des oncles qui étaient peintres. Mm-hmm. Mais la photo, non, pas du tout. La photo, c'est simplement un manque de temps. Je ne pouvais plus, avec l'enseignement, j'étais sur 3 établissements, je ne pouvais plus exposer. Parce que les jours ne correspondaient pas. Et je me suis dit qu'il fallait que je trouve un autre domaine artistique. Et j'ai laissé de côté mes pinceaux, momentanément, hein, bien sûr. Fear myself. Vous êtes de retour sur Radio Gemozo, vous êtes toujours en direct. Il est 14h08, vous nous écoutez sur le 107FM localement ou sur nos applications mobiles et web Radio Line ou Orange Radio et sur notre site internet https://radiogemozo.radio-website.com/. Partout en France et peut-être même dans les pays frontaliers, il fait beau, il fait chaud, peut-être que vous nous écoutez sur votre lieu de vacances ou au bord de la piscine ou sur votre lieu de travail, si c'est le cas, bon courage. Vous venez d'écouter Lady Gaga et Bradley Cooper avec leur titre, avec leur tube, je devrais même dire Shallow, tiré du film A Star Is Born, que tout le monde a déjà vu au moins une fois dans sa vie, je pense. Et nous sommes toujours en compagnie dans nos locaux à Saint-Étienne-les-Remiremont de Martine Huin, photographe et plus généralement artiste. Ça va toujours ? Oui, toujours très bien. Parfait. Donc là, le son a l'air d'être bon. Excusez-nous pour le petit problème technique, les aléas du direct, comme on dit. Donc du coup, cette chanson de Lady Gaga et Bradley Cooper, c'est vous qui me l'aviez proposée. Tout à fait. Pourquoi avoir décidé de passer cette chanson aujourd'hui, du coup ? Bah, c'était très difficile, vu que j'étais professeur de musique également. Il y a beaucoup de choses qui me plaisent. Mm-hmm. J'essaye d'avoir un panel important, et c'est vrai que ça a été très difficile de choisir que 3 musiques. Mais voilà, c'était un choix. J'aimais beaucoup cette chanson, et vous allez voir que la suivante, c'est totalement différent. Et il y en avait beaucoup, voilà. Mais il fallait faire un tri. D'accord. Donc du coup, maintenant, nous allons nous replonger dans votre carrière. Donc cette envie de partager, parce que comme vous l'avez dit, vous êtes enseignante également, donc cette envie de partager vos connaissances et de, pourquoi pas, créer des vocations, est-ce que ça a également toujours fait partie de votre vie ? Toujours, oui. L'enseignement, c'est ce qui m'a manqué lorsque j'ai arrêté. J'étais sur 3 établissements, en Meurthe-et-Moselle et dans les Vosges. J'avais quand même, lorsqu'on est professeur d'art, il n'y a qu'une heure par semaine, musique également. Donc, on est obligé d'être souvent sur plusieurs établissements. Et ça veut dire qu'il y a beaucoup de kilomètres et beaucoup d'élèves aussi. Mm-hmm. J'avais 19 classes quand même. Hein. Ah, oui, c'est pas qu'un peu. Et donc, ce partage, j'ai toujours aimé partager. J'avais monté d'ailleurs un groupe de percussion. J'étais sur un établissement sur Toul. Et j'avais monté un groupe de percussion. On faisait des petits concerts à chaque fin d'année. Mmh. Et c'est ce qui m'a manqué. Le partage m'a manqué énormément lorsque le fait de faire passer mes connaissances, tout bêtement, ça m'a manqué lorsque j'ai arrêté, parce qu'il a fallu à un moment donné prendre une décision, parce que commençant la photo, ça prend un temps énorme. Il ne faut pas croire, on ne fait pas que regarder les photos, il y a tout un... ni les faire. Bien sûr. Et il y a vraiment tout un travail que j'ignorais complètement, qui était à côté. D'accord, et donc maintenant nous allons nous plonger encore plus en détail du coup dans la photo. Donc j'ai également vu en préparant cette émission que vous vous êtes naturellement tourné vers ce qu'on appelle la macrophotographie, pardon. Donc pour nos auditrices et auditeurs qui ne sauraient pas forcément ce qu'est la macrophotographie, pouvez-vous nous expliquer ? Alors la macrophotographie, en fin de compte, c'est le fait de prendre en photo tout ce petit monde, ce petit peuple très petit, que l'on voit, ou que l'on ne voit pas justement aujourd'hui, mm-hmm. puisque nous avons un œil superficiel qui ne voit plus les choses aujourd'hui. Et donc ce sont les insectes, ce sont les fleurs, c'est un peuple du silence qui suscite, je trouve, la passion, de la fascination, de l'étonnement. Une vraie passion, pour moi c'est devenu une vraie passion, et j'ai aimé transmettre mes connaissances au départ, et maintenant bien sûr un peu plus importante, on va dire, et pour montrer justement qu'il existait ce peuple en dessous de nos pieds et qui était souvent ignoré. C'est vrai. Et donc à travers vos photographies, qu'est-ce que vous recherchez ? Alors, moi, ce que je recherche, c'est de montrer ce monde onirique, ce monde poétique. Un grand plaisir que j'ai, c'est que lors des expositions, des personnes viennent me dire, on ne se promène plus normalement, on regarde maintenant tout le temps ce que l'on peut apercevoir. Mmh. Et je fais des interventions dans des classes, lors de mes expositions, et des enfants, très souvent, m'ont dit... Oh ben, on n'arrache plus une aile, on n'arrache plus une patte. Et tout simplement, ils se sont rendus compte qu'en effet, il ne fallait pas justement détruire ce petit monde que l'on a sous les pieds. D'accord. Et également, j'ai cru comprendre, toujours en préparant cette émission, que vous n'êtes pas une photographe naturaliste, mais artiste depuis toujours pour exprimer vos rêves et vos émotions. Expliquez-nous un petit peu tout ça. Alors, en effet, je ne suis pas du tout naturaliste, ce n'est pas mon parcours du tout. Par contre, à chaque photo que je fais, lorsque je ne connais pas ni la fleur ni l'insecte, je me documente énormément, parce que tout simplement, on a besoin de savoir comment l'insecte va réagir. Et ça, c'est... Ou l'oiseau, par exemple. Il y a des oiseaux qui arrivent toujours dans le même sens, face au vent, contre le vent. Et la fourmi, donc, qui est, en fin de compte, l'égérie de mon troisième livre, À la lueur des songes, elle s'est imposée à moi parce qu'elle est très graphique. Et la base de mon travail, c'est le graphisme, l'onirisme, on l'a dit, les lignes, les courbes, la lumière et l'ombre, bien sûr, pour donner vraiment des photos poétiques. Et je suis là-dessus assez intraitable, c'est-à-dire que je veux vraiment que mes photos passent une émotion et donc soient le plus minimaliste possible. Et donc voilà, c'est comme ça que je vois la photo pour moi, et c'est comme ça que j'ai pris en fin de compte le fait de faire de la macro. Je fais aussi un peu d'animalier, bien sûr, mais j'aurai toujours des lignes dans mes photos animalières, par exemple. C'est vraiment une constante de mon travail. D'accord. Est-ce que vous diriez que la photographie est un excellent moyen de s'exprimer ? Oui, bien sûr, comme tous les arts. La musique, la peinture, le dessin. Oui, bien sûr, oui, c'est une façon de s'exprimer et peut-être de représenter le monde tel qu'on le voit. D'accord, et comme vous l'avez dit juste avant, vous aimez également travailler avec des lumières et des couleurs à la recherche d'un monde fascinant. Donc quel est, selon vous, le rôle des lumières et des couleurs quand il s'agit de photographier ? Alors ça, c'est un rôle très important, tout photographe vous le dira. Alors moi, j'ai une particularité, c'est que je travaille en couleurs froides. Je peignais aussi également en couleur froide. Donc ça, ce n'est pas le cas de tout le monde. Et la lumière, bien sûr, la lumière a une grande, grande importance, mais l'ombre également. Et ce n'est pas que... alors on obtient ce qu'on appelle un bokeh, c'est-à-dire en fin de compte, on obtient ces lumières à travers le soleil, où la lumière passe à travers le feuillage. Ou les arbres, et vous avez donc des choses qu'on appelle des flares qui vont apparaître, ces petits ronds blancs ou colorés jaunes, etc. Donc qui vont apparaître, et moi je m'en sers énormément, justement. D'accord. Et donc, à travers vos travaux, vous dites vous-même d'ailleurs que vous travaillez dans un contexte poétique où l'émotion est une évidence. Estimez-vous donc qu'il est important, voire très important, de susciter quelque chose, chez la personne qui voit vos œuvres? Et si oui, pourquoi? Oui, bien sûr, c'est une évidence. Je ne pourrais pas montrer une photo, ce que j'appellerais une photo plate, c'est-à-dire, juste, en fin de compte, un petit insecte dans son milieu naturel. Ça deviendrait être naturaliste, justement. Et moi, c'est pas du tout ça. Il faut vraiment que je crée un réel tableau, une réelle aquarelle. D'ailleurs, mes peintures tentent à devenir des aquarelles, puisqu'il y a beaucoup de personnes qui me le disent lorsqu'ils voient des photos. Surtout, par exemple, des photos en temps de brume, le matin très tôt, avec un fond blanc. Les personnes, comme ils savent que je suis peintre, pensent en effet que ce sont des peintures ou voilà, un crayonné ou quelque chose comme ça. Alors que pas du tout, du coup, c'est de la photo. C'est de la photo, oui. Justement, en préparant cette émission, j'ai regardé un petit peu vos photos. Vous avez d'ailleurs amené vos livres ici dans le studio de Radio Guémozo. Et on peut voir, et si nos auditrices, auditeurs veulent voir, ils peuvent aller sur votre site ou se procurer vos livres. Et on dirait vraiment, justement, que ce ne sont pas des photos. Parce que, par exemple, la fourmi, qui est un de vos sujets de photos préférés, on va dire, est très, très nette, très... comme si c'était de la peinture, justement. Oui, oui, le sujet, ce qui l'entoure va lui donner justement Nora, et puis, mais c'est elle la star. Donc, en effet, d'ailleurs, cette petite fourmi qui s'appelle Zou est suivie depuis 3 ans et demi à peu près sur les réseaux sociaux. Et en effet, les gens s'amusent d'ailleurs avec elle, la réclament. Et comme j'écris en même temps à chaque fois, puisque l'écriture est indissociable de mes peintures ou de mes photos, les gens continuent les poèmes ou la vie de cette petite fourmi, et c'est vrai que ça, c'est encore un autre partage. Et du coup, toujours en préparant cette émission, j'ai eu l'occasion de lire que, pour vous, je cite, « la biodiversité est multiple et j'aime à vous transporter dans un sanctuaire de verdure rempli de féerie et de douceur où les insectes ne sont pas les oubliés. Fin de citation. Donc c'est vrai que nous voyons rarement, comme on dit, des insectes en photo. Donc est-ce une des raisons justement pour lesquelles vous les mettez en lumière, ces sujets trop rares, du coup, en art ? Oui, c'est, en fin de compte, ça s'est imposé un peu à moi, parce que lorsque l'on fait de la macro ou de la proxy, on a des choses plus petites. Donc les insectes, c'était une évidence, plus ou moins les fleurs également. Mm-hmm. Je pense qu'il n'y a pas de sujet. Moi, je ne recherche pas le sujet rare, le bel insecte, etc. Je pense que tout peut être magnifié. D'accord. Les premières fleurs, d'ailleurs dans mon livre on le retrouve, une des premières fleurs du printemps, les anémones sylvies, peuvent être magnifiées. C'est tout simple. On n'y pense pas, parce qu'on en voit partout, et puis qu'on pense que c'est pas un sujet intéressant. Je pense qu'il faut se pencher sur justement n'importe quel sujet, et on peut en tirer le maximum. On essaye d'en tirer le maximum pour que ça soit justement quelque chose qui devienne, qui soit onirique, qui soit fantasmagorique. Et d'ailleurs, ma forêt, on va dire, les gens le connaissent. Je dis que ma fourmi vit dans une forêt enchantée. Mmh. Et que la moindre petite mousse peut devenir, avec une petite goutte d'eau, peut devenir un lampadaire. Et tout de suite, les gens adhèrent. Et on a des poèmes superbes. J'ai des personnes qui, franchement, m'écrivent des choses fantastiques. Mais il faut dire que je suis aussi très attirée par les pays scandinaves, mm-hmm. Ou l'Islande, par exemple, où, justement, ils ont des créatures de légende et de croyances très fortes là-bas. Et donc, c'est dû au folklore islandais, entre autres. Et ils appellent ça le peuple caché. Hein, ça s'appelle l'Uldolfolk. Bon, excusez-moi pour la prononciation, parce que je ne parle pas islandais. Mais c'est le peuple caché. Et bon, je fréquente beaucoup ces pays, l'Islande en particulier, mais tous les pays scandinaves quand même. Et ils ont beaucoup, en fin de compte, d'elfes, de trolls, d'histoires, de légendes sur eux, sur ces personnes un peu invisibles qui vivent dans les rochers, qui vivent dans les montagnes. Ils y croient énormément. Ils y croient tellement fort qu'il y a eu, entre autres, une route qui a été contournée. On n'a pas pris le chemin de départ parce qu'il y avait justement un sanctuaire de ces trolls, de ces elfes. Ils ont contourné, vraiment, pour ne pas déranger ces petits personnages invisibles. Et il y a beaucoup de musées là-dessus, sur la péninsule de Snæfellsnes, par exemple, au-dessus de Reykjavik. Et on peut vraiment, il y a des discussions interminables, d'ailleurs, avec les gens du CRU, et c'est super intéressant. Et on retrouve ça aussi en Laponie, aussi. Ils ont une culture aussi de ces croyances. Et moi, ça m'a beaucoup apporté. Et, j'ai créé, d'ailleurs, pour mon quatrième livre, un petit lutin, un petit gnome, qui va parcourir mes photos. Donc, ça va être un mix peinture-photo. Mais je suis très imprégnée de ça, de ces croyances-là. Et justement, vous parlez des pays scandinaves, parce qu'en faisant quelques recherches, par exemple, sur Internet, on peut voir que vous avez déjà eu la chance de prendre en photo des aurores boréales. Oui, bien sûr. En Laponie, en Islande, oui. C'est fantastique. On est sans voix. On est sans voix, on est seul. Vous avez ce ciel au-dessus de vous et ça tourne, c'est magnifique. C'est vraiment une des plus grandes choses que j'ai ressenties, vraiment. Mais d'ailleurs, dans d'autres pays comme la Laponie, il y en a également aussi des aurores, mais il y a également des ours aussi, hein, voilà, où j'ai fait une exposition également sur les animaux de Laponie. Et ça c'était encore une grande aventure. La première fois que j'ai vu un ours arriver devant moi, ça aussi était une très très grande aventure. J'imagine bien. Et donc, du coup, est-ce que, à travers vos photos, parce que vous parliez tout à l'heure du monde miniature, donc les fourmis que nous, en tant qu'êtres humains, on ne voit pas forcément, ou on ne voit plus forcément. Donc, est-ce qu'à travers vos photos, vous avez une sorte de volonté, de désir à remettre tout le monde à sa juste place, entre guillemets ? Oui, je veux montrer, en effet, que même si avant, je ne m'en rendais pas spécialement compte, même si, en effet, j'aimais bien les insectes, j'aimais bien les papillons, etc. Mais je me suis rendu compte qu'il y avait une intelligence de ces insectes. Mmh. Il y a vraiment une vie réelle lorsque, bon, par exemple, les papillons ont leurs fleurs la plupart du temps. Ils ne se posent pas sur n'importe quelle fleur. Donc ça, ce sont des connaissances que nous, on doit acquérir. Et pour savoir, pour photographier, justement, plus on va connaître ça, la façon dont ils vivent, dont ils bougent, etc. Ils répètent certains gestes, par exemple, ou par exemple, on peut jouer avec une libellule ou un criquet, par exemple, puis ils se cachent derrière un petit fétu d'herbe ou de paille, et ils ont l'impression vraiment de disparaître. Et en fin de compte, on peut presque nous les amener à voir, par exemple, leurs deux yeux juste en face. Il y a une façon de faire. C'est très intéressant à connaître ce peuple-là. Et donc justement, vous avez cette volonté de remettre tout le monde à sa juste place, si on veut. Mais est-ce que aussi vous avez cette volonté de faire découvrir ou redécouvrir à l'être humain, donc à l'homme avec un grand H, ce qu'il ne voit pas forcément, alors que ça se trouve pourtant sous ses yeux depuis toujours ou presque? Oui, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On a un œil superficiel qui ne voit plus les choses, hein, aujourd'hui. Et voilà, c'est du coup le rôle du photographe, entre autres, peut être ça. Ce n'est pas réservé qu'à ça. Mais en effet, moi, je trouve que on a un mini-monde sous nos pieds qui pourrait être le reflet de notre monde. Mmh. Tout à fait. Et en fin de compte, mis à part peut-être certaines choses, comme les insectes ou les animaux, certains tuent pour manger, par exemple, pour se nourrir, ce qui n'est pas toujours le cas chez les humains. Mais et je pense que c'est un monde d'une grande quiétude. Lorsque je pars en photo le matin très bonne heure et qu'il n'y a pas un bruit que des concerts d'oiseaux, par exemple, le bruissement du vent dans, mmh, dans les arbres, l'odeur de la terre, s'il a plu, alors c'est encore meilleur. Et là, ça vaut une séance de yoga, ça vaut tout. C'est-à-dire on est presque seul au monde avec ce peuple qui est là. Car justement, même si nous ne le voyons pas forcément dans ce monde miniature, il y a aussi, comme dans notre monde à nous, la beauté et des embûches. Oui. Donc finalement, je pense que l'on peut dire que ce monde miniature, ou notre monde, il n'y a aucune différence. Il y a très peu de différence en fin de compte. Simplement, ils sont très petits, ils sont miniatures, on ne les voit pas trop, on les a ignorés tellement de temps, on les écrase. Eh oui. On se promène, on ne regarde pas. Il y a des choses magnifiques. Tout bêtement, une petite coccinelle, c'est super beau. Et c'est ce que j'aimerais faire passer. Lorsque j'essaye, quand j'ai des enfants et des classes, de faire passer, de leur montrer qu'il y a des choses magnifiques, mais qu'il faut savoir observer, savoir regarder, prendre le temps, ce que je pense qu'on ne fait plus aujourd'hui du tout. C'est vrai. Donc il est 14h26, avant de parler plus en détail de tout ça, je vous propose de nous lancer directement dans une deuxième fréquence musicale, dans une deuxième pause musicale que vous avez choisie une nouvelle fois. Tout à l'heure vous parliez d'Islande, donc nous allons écouter le groupe américano-islandais Lower avec leur titre Give Up. Une nouvelle fois, au niveau des quelques références, cette chanson est sortie en 2011. On va dire que c'est plutôt une chanson typée rock, et est tirée de l'album éponyme du groupe, donc album intitulé Lower. Excusez-moi si mon accent n'est pas super. Il s'agit du premier album du groupe, album sorti le mardi 1er novembre 2011. Donc on écoute ce morceau du groupe Lower, et on se retrouve juste après, d'ici un peu plus de 3 minutes. Donc à tout de suite. Thank you. Vous êtes de retour sur Radio Gemozo, vous êtes toujours en direct, il est 14h presque 30. Vous nous écoutez toujours sur le 107FM localement ou sur nos applications mobiles et web, Radio Line ou Orange Radio, et même sur notre nouveau site internet https://radiogemozo.radio-website.com/partout-en-france et peut-être même dans les pays frontaliers. Vous venez d'écouter le groupe américano-islandais Low Roar avec leur morceau intitulé Give Up. Nous sommes toujours en compagnie dans nos locaux à Saint-Étienne-lès-Remiremont de Martine Huin, photographe et artiste qui est là pour nous parler de tout ce qu'elle fait. Est-ce que vous passez un bon moment en notre compagnie, Martine ? Ah, c'est vraiment parfait. Parfait, super. Donc, même question que pour la première pause musicale. Pourquoi avoir choisi cette chanson de Low Roar ? Tout simplement parce que je suis amoureuse de l'Islande et que j'ai découvert justement leur musique, entre autres, ce groupe, et que ça m'a accompagnée très souvent au fin fond de l'Islande, au centre de l'Islande, où on était seuls, et c'était vraiment une compagnie superbe. Et puis même justement pendant cette pause musicale, j'avais le clip de la chanson sous les yeux. Et puis même, il y a des plans assez marquants, assez parlants quand même dans le clip. Oui, oui, tout à fait, oui. Mais c'est vraiment, ils sont éclectiques, il y a d'autres choses. Ils ne font pas que cette sorte de musique. Il y a aussi des solos de piano. Il y a vraiment, c'est vraiment un groupe qui est très intéressant à connaître, hein. C'est vrai. Donc avec vos photos, on nous en reprend cette émission, il nous reste un peu moins d'une demi-heure. Voilà. Donc avec vos photos en forêt, comme vous le disiez tout à l'heure, dans la forêt magique, vous dites que c'est aussi une forêt du coup enchantée, où vivent gnomes, elfes, lutins et autres farfadets, comme vous l'avez dit un peu plus tôt. Donc on retrouve ici donc la notion de rêve dont on parlait un peu plus tôt. Donc en plus d'être un excellent moyen de s'exprimer, la photographie est aussi un excellent moyen pour s'évader. Donc quand vous avez commencé la photographie, est-ce que vous aviez déjà cette volonté de faire rêver et de permettre aux gens de s'évader pendant quelques minutes quand ils regarderont vos photos ? Non, tout au départ, non. La première exposition que j'ai faite, c'était un peu un hasard. C'était en 2016. Je faisais partie d'un club depuis très peu de temps, et en fin de compte, il y avait un petit concours pour choisir des photos pour exposer à la semaine de la photographie de Remiremont. Donc, j'ai eu la chance d'avoir deux photos sur quatre. On avait quatre photos à présenter qui ont été prises, et bien sûr, j'étais ravie. Mais en fin de compte, c'était un mélange. En fin de compte, on était beaucoup, il n'y avait pas que moi, bien sûr, et on était beaucoup. Et mon côté artiste a tout de suite pris un peu le dessus. Je me suis dit, bon, j'aimerais faire une exposition toute seule. Et justement avoir une cohérence dans les photographies que je présente. Donc je me suis un peu renseignée. Et puis, le même jour, pratiquement, j'ai rencontré aussi des gens qui avaient écrit des livres. Et là, je me suis dit, c'est ça, j'aimerais partager avec des livres. Mais bon, j'en étais bien sûr incapable. Je ne savais même pas comment cela fonctionnait. Et puis, mais la petite graine était implantée dans mon cerveau et ça ne m'a jamais quitté. Alors ensuite, j'ai quitté ce groupe, donc parce que je suis quand même quelqu'un de très solitaire. Et puis les années, l'année suivante, j'ai fait 4 ou 5 expos. En 2018, j'ai eu la chance d'exposer en galerie, voilà, au d'un cours. Et là, c'est vraiment, c'est une grande chance parce que c'est vraiment magique d'exposer en galerie. Enfin, pour moi, c'était magique. Et puis, mais les expositions ont commencé, voilà, à être plus importantes. Et en 2019, cette petite graine qui a été implantée, donc cette idée de livre, s'est concrétisée en août 2019. Et j'ai sorti mon deuxième livre. Parce qu'il y en avait eu un premier, mais qui était en tout petit exemplaire. Il s'appelle Équilibre du silence. Alors là, qui est dédié justement à tout ce peuple du silence, autant fleurs qu'insectes de tous bords. Mais il a été traité de façon différente de beaucoup de livres. C'est-à-dire que je l'ai traité en 8 tonalités. Il est en 8 tonalités différentes et j'ai mis 4 mois à fabriquer ce livre sur un cahier d'écolier parce que je n'avais pas de logiciel et que je ne suis pas douée là-dedans. Et donc en mixant écriture et photo. Et bon, c'est mon côté artiste qui l'a vraiment fabriqué. C'est, voilà. Et puis autrement, voilà, ce livre est sorti. Malheureusement, il y a eu tout de suite un grand succès. Tout de suite. Malheureusement, il y a eu la Covid en 2020. Comme je ne le vends que sur mes expositions, que lors de mes expositions, donc voilà, il est resté un peu en stand-by. Bien sûr, il était vendu par les personnes qui pouvaient me les acheter par les réseaux, etc., ou par connaissance. Et cette année, j'ai ressorti un troisième livre qui est dédié qu'à la fourmi, qui s'appelle À la lueur des songes. D'accord. Voilà. Ensuite, donc tout à l'heure, nous parlions de macro-photographie. Mais également, vous pratiquez aussi ce qu'on appelle la proxy photographie. Oui. Donc, qu'est-ce que c'est exactement la proxy photographie ? Vous savez, on sous les noms, souvent les gens mélangent un peu. Si vous êtes un peu plus rapprochés, on va faire de la macro, en effet. Il y a des objectifs pour aussi. Le matériel a son importance, mais pas toujours autant qu'on veut le dire. C'est-à-dire qu'on peut très bien faire des belles choses avec un matériel classique. Et on n'est pas obligé de mettre des sommes phénoménales comme ça monte très souvent. Le but, si vous voulez, c'est de savoir observer, beaucoup observer. Ça, je crois que c'est important, de prendre son temps pour faire une photo. Moi, j'ai des photos, je peux attendre 5-6 heures. Alors, je ne suis pas 5-6 heures devant, mais je fais autre chose un peu dans les environs, bien sûr. Mais pour atteindre la lumière que je veux, je peux attendre énormément, bien sûr. D'accord. Ensuite, comme nous l'avons dit en début d'émission, du coup, vous êtes photographe, mais ce n'est pas votre métier pour le moment. Non, pas spécialement, mais c'est pas mon métier. J'en ai si pratiquement fait un métier quand même, puisque j'organise également des stages macro. Mais en effet, non, je fais pratiquement plus que de la photo, pratiquement plus que ça. D'accord. Donc on peut dire que du coup, vous aimeriez que ce soit un jour votre unique. Unique, non, parce que j'aime toucher à beaucoup de choses. D'accord. Dans les milieux artistiques, j'aime toucher à beaucoup de choses. Donc, c'est pour le moment, en ce moment, c'est ce que je pratique et ce que j'aime. Et j'ai tellement de choses encore à découvrir avec la photo, d'essais à faire et ne pas me cantonner, puisque je n'aime pas la routine. Donc, j'aime pas me cantonner à une chose vraiment. Donc, je fais des tas d'essais. J'essaye de progresser dans ce domaine. D'accord. Et donc, j'allais vous demander quelles sont vos spécialités photographiques, mais vous en avez un petit peu parlé tout à l'heure, le monde muet, enfin le petit monde. Oui, voilà, ce que j'appelle le peuple du silence, voilà. Tous ces fleurs, ces insectes, mais ça peut être tout bêtement des reflets dans une mare. Des reflets d'arbres, de feuilles, de feuillages. Ça devient de réels tableaux. Quand vous regardez, on a des choses autour de nous qui ne sont pas spécialement macro et qui peuvent devenir des choses, des tableaux, réellement des tableaux. Tout bêtement, j'ai photographié dans des étangs des racines d'arbres qui rentraient dans l'eau. Et c'était super beau. On aurait dit vraiment que c'était pas par la main de l'homme. Et je crois qu'il y a énormément de choses comme ça. Et on revient à savoir observer. Je crois que c'est le maître mot quand même en photo. Donc là, on sent vraiment que vous êtes une vraie passionnée par la photographie. Donc justement, il faut pour vous que la photographie, avant que vous, enfin, ce que vous voulez photographier, vous procure quelque chose déjà en amont. Ah oui, une émotion. Moi, je ne peux pas photographier quelque chose que je n'aimerais pas, par exemple. Il faut qu'il y ait vraiment une émotion. C'est d'ailleurs cette émotion que je veux faire passer dans mes photos. Et en fin de compte, oui, mais je ne pars jamais, par exemple, photographier avec une idée précise, sauf pour quelques photos. Mais je photographie ce que la nature me donne, en fin de compte. Quand je vais sur un spot, ben voilà, il peut y avoir certains papillons suivant les saisons, par exemple. Et puis des fois, il n'y a rien du tout. Ou des fois, la lumière n'est pas belle. Donc, il faut qu'on s'adapte et il faut qu'on prenne ce qu'on nous donne. Mais à chaque fois, donc, si on n'a pas fait passer cette émotion dont vous parlez, on ne présente pas le travail. On le jette, quoi. D'accord. Ensuite, il y a une citation qui vous parle. Je crois que je l'ai vue sur votre site, il me semble. Qui dit, je cite, « Le poète écrit avec des mots, j'écris avec la lumière ». Fin de citation. Que cherchez-vous donc à faire comprendre à travers justement toutes vos photos? Ben, je veux faire passer justement que cette nature peut être très belle et que la lumière qui est donnée à tout le monde et qui est gratuite, on va dire, qu'il y a encore des choses justement qu'on peut admirer dans ce monde et que les gens passent trop facilement à côté de toutes ces choses. Et je pense qu'il y a du merveilleux. On a un monde qui est aujourd'hui, on constate qu'il n'est plus très agréable. Mmh. Et si on a ça à portée de main et qu'on peut observer ces choses-là, je pense qu'en effet, on a gagné déjà beaucoup de choses. On essaye de se calmer avec du yoga, avec du sport, avec d'autres choses. On peut réellement se calmer avec la nature et l'observer. Bien et sûr. Ça peut devenir même des fois très amusant parce qu'il y a des scènes qui sont cocasses. Hein, c'est vrai que et on peut s'amuser avec ces petits insectes. Je vous disais tout à l'heure, il y en a vraiment qui on a l'impression qu'ils vous regardent, qu'ils vous reconnaissent. Enfin, c'est intéressant. Donc justement, tout ça, la nature, c'est on peut dire vos inspirations. Mais est-ce que vous en avez d'autres? Est-ce que vous êtes inspiré par autre chose que par le monde miniature ou par la nature en général? Oui, là on parle d'insectes, mais je suis aussi inspiré par le monde minéral. D'accord. Je suis inspiré aussi par par tout ce qui est graphique. Donc, par exemple, les graines, tout bêtement des graines. J'ai d'ailleurs toute une série qui est prête. J'ai par tous les pays que j'ai traversés, j'ai photographié les écorces d'arbres, les lichens, etc. Et je pense en faire justement une exposition. Par contre, ça c'est prévu depuis déjà quelques années. Je complète au fur et à mesure de mes voyages. Mais là, vous avez également de réels tableaux. Vous avez des choses magnifiques. On ne voit plus, puisqu'on est pratiquement, pas en macro, mais on est en proxy, et on a des choses. Ce sont des réels tableaux. Ce sont des choses, mais on ne sait plus que c'est un arbre. On ne sait plus que c'est une écorce. Donc, oui, tout peut être magnifié, en fin de compte. Et, par exemple, tout bêtement, j'ai photographié la mer lorsqu'elle se retire et que les algues ont mis leur empreinte. On a des forêts on aperçoit des forêts. C'est vraiment un monde magique. Et ce n'est pas que les insectes, mais c'est toujours ce monde que les gens ne voient pas, je trouve. D'accord. Et il me semble également savoir qu'un certain Basquin, Rieu vous inspire. Donc qui est-ce et en quoi vous inspire-t-il? Voilà, il m'a inspiré au départ, oui, tout à fait, parce que j'aimais beaucoup les photos. Il faisait pareil, des photos très minimalistes. Et c'est quelqu'un que j'aimais beaucoup au niveau de ces photos. Mais il y en a beaucoup. Il m'avait attiré au départ, en effet, par ses photos superbes. Mais il y a beaucoup de photographes, hommes et femmes, bien sûr. Qui font des choses merveilleuses. D'accord. Donc il va bientôt être 14h43. Avant de poursuivre à nouveau, je vous propose de nous lancer dans une troisième fréquence musicale que vous avez choisie une nouvelle fois et que nous écoutions cette fois Zaz avec son morceau Si jamais j'oublie. Toujours au niveau des références, cette chanson est sortie en 2015. C'est de la chanson française. Et ce titre est tiré de l'album Sur la route de Zaz. Il s'agit du premier album studio de Zaz, album sorti le vendredi 30 octobre 2015. Donc on écoute cette musique et on se retrouve juste après d'ici un peu plus de 3 minutes. Donc à tout de suite. années. Rappelle-moi le temps qu'il faisait. Et si j'ai oublié, tu peux me secouer. Et s'il me prend l'envie de m'en aller, enferme-moi et jette la clé. Zaz avec son titre Si jamais j'oublie sur Radio Guémozo. Vous êtes de retour et vous nous écoutez toujours sur le 107FM localement ou sur nos applications mobiles et web Radio Line et Orange Radio. Et même vous êtes habitué sur notre nouveau site internet https://radioguémozo.radio-website.com/partout en France et peut-être même dans les pays frontaliers comme la Suisse ou encore la Belgique. Il est 14h47 et nous sommes toujours en compagnie dans nos locaux à Saint-Étienne-les-Remiremont de Martine Huin, photographe et artiste, qui est là pour nous parler de tout ce qu'elle fait. Pourquoi avoir choisi pareil cette chanson en particulier de Zaz? Alors, on va dire qu'en particulier, déjà je l'aime bien, mais comme je vous disais tout à l'heure, le choix était très difficile, puisque de toute façon, j'ai un monde éclectique au niveau de la musique, j'aime beaucoup de choses, et il fallait en choisir trois. Donc, Zaz, voilà, ça s'est fait comme ça. D'accord. Donc, nous allons poursuivre, il nous reste une dizaine de minutes, un tout petit peu moins, donc... nous parlons justement de vos ouvrages, de vos livres un peu plus tôt. Où est-ce que vous les vendez? Où est-ce qu'on peut les avoir? Alors, je les vends uniquement lors de mes expositions. D'accord. Ça, c'est un choix que j'ai fait parce que je les ai auto-édités. Mmh. Et voilà, c'est un choix. Alors, on peut les avoir aussi, les acquérir, bien sûr, lors de... par exemple, en ce moment, je suis beaucoup en médiathèque. Puisqu'il y avait la possibilité, on peut les remercier, parce qu'il y avait la possibilité d'exposer encore en médiathèque par rapport à d'autres lieux. Et donc, ils étaient vendus là. Les médiathèques, beaucoup de médiathèques lorraines, voire plus, mais les ont achetées également et les proposent. Donc, Et on peut les avoir également par ma page Facebook, lorsque voilà, les personnes savent, ou par en mail également. Voilà, on peut les avoir comme ceci. D'accord. Et quelles sont vos, on va dire, vos, les différentes expositions futures dans lesquelles vous serez présente? Alors, les futures, on va déjà peut-être parler des présentes, parce qu'en ce moment, voilà, il y en a. Donc, comme on s'est quand même beaucoup tourné vers les expositions extérieures, puisque c'était une des possibilités qui nous restait, puisqu'on était quand même très restreint, puisque les expositions à l'intérieur, depuis l'année dernière, ben, sont arrêtées, on ne pouvait plus, sauf quelques-unes, hein, bien sûr. Hein, mais... Donc j'ai trois expositions là où on peut voir mes photos pour le moment. J'ai ce qu'on appelle, enfin ce qui s'appelle les trois frontières. C'est en fin de compte en France, en Allemagne et en Suisse. C'est un parcours de 14 km qui est superbe le long des canaux. Ça démarre de Huningue et ça va jusqu'à Kams. Et alors là, il y a 220 photographies, grand format, 80 photographes et quelques photographes ont des grands formats de 4 mètres sur 3, dont ma fourmi. Zou, d'accord. Zou. Donc c'est vrai que c'est vraiment, on ne peut que les remercier avec un travail, c'est tous les deux ans, on peut les remercier vraiment. Et j'ai une exposition au jardin d'altitude du Haut-Châtelet qui est jusqu'à fin août, peut-être un petit peu plus, je ne sais pas. Et j'ai également une exposition à Plombières dans le jardin impérial qui est, d'ailleurs c'est très beau parce qu'ils sont, c'est autour d'un étang et c'est très japonisant avec des nénuphars et tout, c'est vraiment très beau comme lieu et j'y serai d'ailleurs ce week-end pour dédicacer mon livre et peut-être également le week-end prochain dans le parc. Ça c'est pour les expositions extérieures. Alors les expositions, je viens d'en terminer une à la médiathèque de Mirecourt. Donc c'était sur un mois où il y a eu également des stages de découverte, la macro, qui ont très bien fonctionné. Et il va y en avoir, alors il va y avoir Dompère, pareil, avec une journée dédicace le 4 septembre, journée des associations. Il y aura une exposition qui va durer 15 jours là. Il y en aura une autre à Lunéville pendant un mois, avec un débat. On ne peut pas appeler ça une conférence, un débat amical de partage le 8 octobre. Et il va y avoir une grosse expo à Nasbinal, dans l'Aubrac, en Lozère. Là, par contre, c'est sur 13 sites différents. D'accord. Voilà, ils utilisent les fermes. Et moi, je serai dans l'église d'un petit village. Donc là, ça se trouve. Alors, c'est du 16 au 19 septembre. Et je vais être à la cure, alors la toute prochaine c'est à la cure du village du Haut-du-Tau, de 19 au 22 août. Alors là c'est une exposition à l'intérieur. Hein. Et voilà, pour celles qui viennent là, les toutes prochaines, donc ça en fait déjà pas mal. C'est vrai. Donc du coup, quels sont vos objectifs futurs en matière de photographie? En d'autres termes, qu'est-ce que vous aimeriez pouvoir photographier un jour? Qu'est-ce que j'aimerais photographier un jour? Il y a sûrement beaucoup de choses. Hein. Mais voilà, c'est très difficile à brûle pour point de vous répondre. Bon, déjà continuer et d'acquérir peut-être de faire d'autres photos peut-être dans la macro. Voilà, peut-être maintenant retourner voir les ours, ça c'est sûr. Mon grand rêve, ce sont les ours polaires. Mm-hmm. Ça, c'est un rêve depuis très longtemps. Et retourner en Islande surtout pour voir, voilà, pour refaire aussi parce que vous avez donc des lieux avec des icebergs etc qui sont, c'est sublime et on peut justement faire des photos qui ne sont pas des photos naturalistes, réalistes vraiment et donner encore de réels tableaux, donc tout bêtement avec la couleur par exemple des icebergs, tout bêtement, ou les dents de ce qu'on retrouve là-bas, donc voilà, c'est plutôt des lieux, on va dire, que j'aimerais aller. D'accord. Donc si nous voulons suivre l'avancée de votre carrière et si nous voulons tout simplement vous retrouver, comment pouvons-nous faire? Ben, j'ai tout simplement lors de mes expositions, quand on suit, et j'annonce toujours mes expositions sur ma page Facebook qui est à mon nom, simplement, Martine Huin. Et voilà, vous pouvez me retrouver. Donc, normalement, toutes les informations sont sur cette page. D'accord. Je mettrai tous les liens en podcast de cette émission demain dans la journée. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite ? Ben, qu'on puisse rouvrir enfin toutes les expositions, enfin tous les lieux d'exposition, pour qu'on puisse partager. Parce qu'en fin de compte, c'est ce qui est le plus important, c'est ce partage avec les gens. Bien sûr. On leur amène du bonheur, on leur amène, et eux également, bien sûr, hein, mais on voit les gens, quand ils discutent, encore dimanche dernier, j'étais à Senone, et c'est vrai qu'il y a des gens qui peuvent rester plus d'une heure à discuter ou regarder les photos. On voit que c'est un réel bonheur. Alors, on a la chance de leur apporter ça, et c'est vrai que j'aimerais bien que ça puisse perdurer, que ça puisse recommencer surtout, parce que c'est vraiment, c'est trop triste, quoi, de ne plus avoir d'exposition. Bah, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Okay, écoutez, je vous remercie. Est-ce que vous avez un dernier mot avant de nous quitter ? Ben, de vous remercier, tout simplement, d'avoir posé les yeux sur mon travail, c'est vraiment très sympa. Bah, merci à vous d'avoir accepté mon invitation. Donc, c'est ainsi que se termine cette édition de Fréquence Libre. Donc, une nouvelle fois, je vous remercie, Martine, d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir. Cette émission sera rediffusée demain, jeudi, à 18h. Avec le podcast de cette émission, posté demain sur notre page Facebook dans la journée. Je vous l'enverrai aussi par mail. Mm-hmm. Comme ça, si vous voulez la récupérer, la partager. Tout à fait. Etc. Et bien sûr, comme d'habitude, vous pouvez réagir à cette émission sur notre page Facebook Radio Guimauzo ou en nous appelant au 03 29 62 40 40. En attendant, je vous laisse en musique après le générique avec Nick Waterhouse et son titre I Feel and You're Coming On. Quant à nous, nous nous retrouvons lundi à 14h, toujours en direct, pour une nouvelle édition de Fréquence Libre. Donc merci de votre fidélité à Radio Guimauzo et du coup, je vous dis à lundi. Donc salut et à lundi.